Mafia 13. On a donné, donné, donné. L'esprit des ancêtres dans ma tête redonné. Ils disent cessons de pardonner. Nos cultures et nos terres saccagées. Assez, regarde le monde où tu vis. Un massacre régi par ce vide. Des chefs d'état ravis qui parlent de pays pauvres. Mais les vols jusqu'au moins de pénis, jusqu'au moins de l'eau. Qui déclenchent des guerres pour nous cuire, nous détruire de l'ambition Sahel jusqu'au Zaïre. Regarde qui fausse l'histoire, qui a bâti ce pays. Dans des cités dortoirs, regarde mes frères se jalousent depuis des millénaires. Pour le succès, le flou, ça m'a millénaire. Conscient de mes actes, conscient de mes mots, je tente de guérir mon peuple de ces mots. Je regarde, je transcris, je pense, je suis. Beast to Malcolm Luther King et Garvey. Le combat continue, by enemy nécessaire. Attire vers le feu.